nouveautés. New Music, découverte Fun Radio. Soyez les bienvenus sur Fun Radio Summer Fun, ça démarre maintenant, welcome. Fun. Fun Radio. Fun. On démarre la journée ensemble, il est 6h01, soyez les bienvenus sur Fun Radio. On fait le tour de l'actu en ce vendredi 5 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un homme a été interpellé et déféré au parquet du Brabant Wallon. L'homme est suspecté de harcèlement auprès de son ancienne compagne. C'est devant l'habitation de cette dernière qu'il a d'ailleurs été arrêté. Auparavant, il avait déjà fait l'objet d'une précédente interpellation. Il avait alors été présenté au juge d'instruction qu'il avait relaxé, avec pour condition de ne plus entrer en contact avec la dame concernée. À l'étranger, le chef de la branche du groupe djihadiste État islamique aurait été tué par l'armée égyptienne. C'est cette dernière qui a annoncé avoir mené des attaques visant essentiellement les forces de sécurité dans la péninsule du Sinaï. C'est via leur page Facebook qu'ils ont annoncé la nouvelle. Le groupe djihadiste, auparavant lié à Al-Qaïda, est responsable de nombreux attentats perpétrés dans le Sinaï. Les actions militaires russes contre la Syrie ont été critiquées par le président américain Barack Obama. Il a demandé à Moscou de coopérer avec Washington afin de trouver une sortie à la crise. Les États-Unis souhaitent collaborer dans le but de réduire la violence et de consolider leurs efforts contre les groupes terroristes. En sport, la Gantoise et Genk ont tous les deux obtenu leur ticket pour les barrages de l'Europa League. La Gantoise n'a pas dû forcer son talent après sa victoire 5-0 au match aller. En Roumanie, les hommes de Van Azebroek ont décroché un partage 0-0 qui leur permet d'obtenir le ticket. Genk, de son côté, avait lui aussi un petit avantage. Les Limbourgeois l'avaient emporté 1-0 à domicile. En Irlande, ils ont décroché une très belle victoire 1-2. Anderlecht est également en compétition dans les barrages de l'Europa League. Le Standard est pour le moment la seule équipe qualifiée. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Avec un homme qui a attendu pendant 10 jours après son amoureuse virtuelle, Alexander et Zank se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils ont créé une relation à distance. L'homme a souhaité aller rendre visite à sa dulcinée dans son pays, la Chine. Sans nouvelles d'elle, il a attendu pendant 10 jours, hélas sans résultat. L'homme a été retrouvé presque mort de fatigue et de tristesse. Au lieu de retrouver celle qui l'attendait, il a rejoint son pays pour retrouver un lit d'hôpital. Fun Radio. Dans quelques secondes, côté Sun and Floor, on va s'écouter Snoop Dogg et Autonos et Avicii. Juste avant Florence, côté météo, est-ce que cette fin de semaine s'annoncera ensoleillée? Quelques nuages bas encore sur le nord et l'Ardenne avant le retour de quelques éclaircies, des températures qui seront comprises entre 17 et 22 degrés. Le Sun and Floor continue avec 2 euros sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Sur Fun Radio, il est 6h06. Dans un instant, c'est le duo Autonos et Avicii qui arrive côté Sun Dance Floor. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun. Je m'appelle Anto, Coralie également au rendez-vous. Comment ça va, Coco? Ça va, et toi? Mais écoute, très très bien, on démarre ce dernier jour de la semaine ensemble. Un long week-end qui nous attend. On va pouvoir profiter des vacances si vous avez l'occasion d'en prendre. Qu'est-ce que t'as prévu pour ton week-end, toi, Coralie? Je vais rentrer un petit peu chez moi et voilà, je profite un petit peu de mes petits frères. Eh ben écoute, ça va faire super plaisir. Justement, c'est l'anniversaire de ton petit frère aujourd'hui. Non, c'est l'anniversaire de ma maman. Ta maman? Ah ben on va lui souhaiter tout à l'heure d'ailleurs. Si vous aussi, vous avez pourquoi pas envie de souhaiter l'anniversaire d'un ami, bah c'est très simple. Vous envoyez Anif dès maintenant par SMS au 3044. Mais avant toute chose, on ne mélange pas tout. On démarre avec l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et Coralie, aujourd'hui, vendredi 5 août 2016, dernier jour de la semaine. Et oui, nous sommes le 218e jour de l'année. Et bon, 5e jour et dernier jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Abel, Marie-Neige et Oswald. Bonnes fêtes à vous, les amis. Et puis des stars sont nées également ce 5 août. Oui, dont Jean-Marc Morandini. Il fait le buzz pour l'instant, d'ailleurs, oui. Avec sa polémique que les Faucons. Faucon TV, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un d'ailleurs, bah oui, pour redire une 7e fois d'ailleurs, il a été écarté d'Europe 1, apparemment. À la rentrée, ah bon, c'est Thomas Joubert, son Joker, qui le reprendra sur la tranche donc du 9-13. Voilà, sinon on va souhaiter un bon anniversaire à Emmanuel Chien, pour ceux qui ne savent trop qui c'est un ancien animateur de télé française. Oui, oui. Et à Patrick Cohen, lui c'est un journaliste de radio et de télé. Qu'on embrasse d'ailleurs parce que Patrick anime également un morning en France. C'est la journée mondiale du jour, Coralie. Et c'est la journée mondiale de la bière. Ah voilà. On voit que Florence fait un gros sourire, notre journaliste qu'on salue d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce sont 4 Californiens qui ont eu l'idée en 2008, probablement après une soirée largement arrosée, de créer la Mondiale Journal de la Bière, et depuis elle est fêtée chaque premier vendredi du mois d'août. Évidemment, on boit de la bière et de l'alcool avec modération, les amis, surtout si vous êtes au volant. La Florence se dit, oh zut, allez. Merci d'être avec nous ce matin, on parle des galères de transport aujourd'hui. Vous avez déjà tous et toutes eu des problèmes avec votre voiture ou encore et surtout avec les transports en commun. On en parle jusqu'à 9h. Vous avez envie de faire de la radio avec nous, c'est très simple, vous envoyez un petit message sur la page Facebook de l'émission. On ouvre l'émission aux auditeurs aujourd'hui, je vous en parle juste après Auto Nos et Avicii sur Fun Radio. Welcome. Back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, jersey, shutting down the. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway. Give me up like I'm late from my first class, so I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Eve, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the mates, though. And I apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway. I just wanna make you sway. I just wanna make you sway. Just wanna make you sweat. 6h14 sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. On est ensemble jusqu'à 9h avec dans quelques petites secondes Kungs et Tease Girl. Et Coralie, aujourd'hui dernier jour pour repartir avec ses 4 entrées pour Walibi. Et oui, vous pouvez tenter de repartir avec vos 4 entrées par Walibi deux fois dans l'émission à 8h15 et 9h15. Pour ça, vous pouvez vous inscrire par SMS au 6322 en envoyant le code Pulsar, c'est 1€ par message. Alors que le parc Walibi, qu'est-ce que c'est? C'est un des plus grands parcs d'attractions de Belgique, bah ouais, évidemment, clairement. Tout le monde le connaît. C'est un parc d'attractions pour tous les âges, carrément pour les plus jeunes, pour les plus vieux, pour ceux qui adorent les attractions fortes, pour ceux qui les aiment un peu moins, évidemment. Il y a de quoi se restaurer pour les adultes, il y a de quoi vraiment s'amuser. Alors niveau attraction, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment la toute nouvelle, le Pulsar qui vient d'ouvrir. Et toi, tu connais bien le parc parce que tu l'as déjà testé de long et en large. Est-ce que tu as une attraction à nous décrire et à nous vendre comme ça? Bah, le loup-garou, c'est, je crois que c'est vraiment la première, non? Celle qui est à l'entrée, c'est ça? La deuxième. C'est la deuxième. C'est vraiment l'attraction incontournable du parc parce que c'est une attraction qui est en bois déjà et qui est, je crois que c'est une des seules attractions en bois de Belgique, justement. Mmh. Donc c'est vraiment l'attraction incontournable, c'est des montagnes russes. Donc on est dans un petit wagon tout simplement. Et on est lâché comme dans des montagnes russes, en fait, tout simplement. Et on passe dans l'eau après, non? À la fin? Non, pas dans non. Alors je vois pas la bonne. Mais c'est pas grave, on va les retester ensemble. Pour vous inscrire, repartir avec vos 4 entrées pour Walibi, vous envoyez Pulsar, PULSAR par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Dans un instant, c'est Kungs et Tease Girl que je vous cale sur Fun. Montez le son, on est ensemble jusqu'à 9h. 6h15 sur Fun, welcome. You got to 19 passé de quelques petites secondes sur Fun Radio. Qui devait, celle qu'il te faut, c'est ce que je vous cale dans un instant. Et c'est juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et Coralie, comme chaque jour, tu as consulté les astres pour nous. On commence avec les béliers. Ne laissez pas l'amour vous passer sous le nez, mettez-y aussi du vôtre. Les taureaux. Faites attention à ce que vous dites et ne mettez pas les pieds dans le plat. Les gémeaux. Vous avez décidé de draguer tout le monde entier. Quelqu'un ne sera pas favorable à votre comportement. Les cancers. Vos sentiments sont un peu perdus à cause des bruits qui courent. Les lions. Écoutez vos battements de cœur et faites-en qu'à votre tête. Les vierges. Trouvez les solutions qui vous manquent et mettez-les à exécution avant le début du week-end. On enchaîne avec les balances. Glissez vos idées dans les conversations, vous verrez, elles ne passeront pas inaperçues. Allez les scorpions. Vous aurez une libido surchauffée ces prochains jours, à l'attaque. À l'attaque les scorpions, les sagittaires. Si vous décidez de ne rien faire aujourd'hui, ne dérangez pas les autres. Les capricornes. Vous avez carte blanche pour montrer de quel bois vous vous chauffez. Les verseaux. Évitez de vous emballer à chaque mot doux de votre partenaire. Les poissons pour terminer. L'union fait la force, donnez votre avis, mais écoutez celui des autres aussi. Vous reconnaissez l'instantoscope, vous avez envie de vous faire de la radio avec nous, interagissez par via la page Facebook Coralie. Oui, sur la page Facebook Summer Fun, venez la liker, venez nous envoyer des messages, on les lira tout au long de l'émission. Et ça se passe jusqu'à 9h, vous écoutez Summer Fun, on est en direct, et là j'ai pour vous une grosse nouveauté ce matin, c'est le Kinvé en duo avec Glory, celle qu'il te faut, c'est ce que je vous joue maintenant, à 6h20, montez le son, vous êtes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Des fois, en l'avenir depuis que je t'ai trouvé, j'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance, si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité, j'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses, même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Dis-lui je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve tu me laisses la première place, baby. Je changerai tes larmes, mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur, tu n'auras plus à courir, car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi avons-nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque, tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Dis-lui je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve, si tu me laisses la première place, baby. madame. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Quoi que vous fassiez, vous êtes sur Fun Radio les amis. Il est 6h23, je m'appelle Anto. Vous êtes dans Summer Fun et dans quelques instants ce plaisir avec le titre de Chainsmokers et Daya, Don't Let Me Down. C'est ce qui arrive juste après ça. Prenez une bonne dose de fun tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Le son dance floor. C'est Fun Radio. I'm rolling down the river. My worries drown. They say that I'm a sinner. But I won't let you down. Feel the love. Feel the love. Feel the love. Summer Fun, c'est du son dance floor. Du son dance. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. On parle des galères de transport aujourd'hui dans l'émission. Vous avez vous aussi, pourquoi pas, une anecdote originale à nous raconter là-dessus? Venez nous le dire dès maintenant par SMS au 3044. Avant ça, il est 6h30. Et à 6h30 sur Fun Radio, on fait le tour de l'actu avec Florence Vanneau. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Les animaux seraient de plus en plus maltraités en Wallonie. Dans le transfert de cette compétence en 2014 au fédéral et à la région, le nombre de plaintes a tout simplement doublé. Auparavant, le fédéral enregistrait en moyenne 1000 plaintes par an. Cette année, l'unité du bien-être animal du service public de Wallonie devrait enregistrer 2000 plaintes avant la fin de l'année, soit le double des plaintes déposées les années précédentes. À l'étranger, le bilan s'est alourdi suite à l'attentat de Nice. Un homme est décédé hier des suites de ses blessures. Il avait été blessé dans l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. L'homme avait été maintenu en réanimation. Il a lâché les armes ce jeudi. Un décès qui porte le nombre de tués dans cette attaque à 85. Un drone aurait tué deux membres présumés d'Al-Qaïda hier dans le sud du Yémen. La frappe visait deux hommes présents dans un véhicule militaire à un point de contrôle tenu par les djihadistes. Les États-Unis considèrent que cette branche du groupe est la plus dangereuse pour la péninsule arabique. En sport, mauvaise nouvelle pour l'équipe de hockey belge. Alors que les JO s'ouvrent ce soir, on apprend que l'un des leaders des Red Lions s'est blessé aux ischios. Tom Boone, l'un des meilleurs joueurs de notre équipe nationale, a subi une rechute suite à une blessure occasionnée il y a déjà quelques mois. Le Belge souffre d'une déchirure à l'ischio et devrait être absent pour une bonne partie du tournoi. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec une statue de Pikachu qui est arrivée on ne sait comment en Nouvelle-Orléans. Les habitants ont eu la surprise et le plaisir de la découvrir dans une fontaine abandonnée. Sur le socle, on peut y apercevoir les célèbres Pokéballs. La présence de la statue a été confirmée. On ne sait pas encore comment elle a pu arriver là. Seule certitude, elle fait à l'heure actuelle le tour des réseaux sociaux. Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est un petit souvenir qu'on se fait avec Nicki Minaj ainsi que Lost Frequency. C'est du 100% belge avec Beautiful Life. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce dernier jour de la semaine? Quelques nuages bas sur le nord et l'Ardenne avant le retour des éclaircies. Les températures seront comprises entre 17 et 22 degrés. Cyberfun continue avec le son Dance Floor de Jonas Blue sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. Feeling this way, There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Sur Fun, soyez les bienvenus. On se fait plaisir avec du 100% belge. Lost Frequency, c'est Beautiful Life, c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, de parler à notre sujet du jour. Tu es comme moi, une utilisatrice des transports en commun. Oui. Mais aujourd'hui, nous allons parler des galères de transport, que ce soit en transport privé, en voiture, en vélo, en moto ou encore en train. Est-ce que toi, tu as comme ça une anecdote un peu spéciale, un peu originale sur les transports en commun? Mais une fois, je devais partir au ski, donc je partais à Val Thorens, au ski, ouais. Et donc je partais en TGV en fait, en Thalys. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en avais déjà de base pour 5h30 de trajet, ouais. Et au final, j'en ai eu pour 8h. À cause de quoi? À cause de la neige, parce que donc je suis arrivée à la gare très tôt le matin, et je pense qu'il était 6h ou 7h. Je prenais le Thalys très très tôt, et arrivé sur place, on voit que le train a déjà une heure de retard, donc ouais, il était en gare, mais ça motive, ça. Impossible de démarrer. Donc voilà, on se dit bon, après une heure, on se dit on va démarrer. Enfin, on démarre, et puis on se retrouve de nouveau bloqué en plein milieu des rails sur le chemin. Mais ce qui me motive bien en tout cas, c'est quand toi maintenant avec les applications, on peut voir tous les retards, tous les ralentissements, etc. C'est quand l'application ne te signale pas qu'il y a un retard, tu te pointes sur place et puis là, train supprimé alors qu'il est qu'une fois par heure. Retard, tic-tac. J'avais pas le choix parce que de toute façon, je prenais quand même le train depuis Warem, donc depuis chez moi, donc à une heure de Bruxelles, pour venir à Liège. Donc même si j'étais au courant que le train avait du retard, je n'avais pas le choix de patienter. Et qu'est-ce que tu as fait alors pour patienter? J'ai pris le petit-déj. C'est original, j'aime bien, ça m'occupe, puis ça fait du bien à l'estomac. Et vous aussi, vous avez une anecdote originale par rapport à une galère de transport en commun, une galère de transport en général. Faites-le nous savoir par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore via la page Facebook de l'émission sur laquelle on reste connecté ensemble. Dans quelques secondes, c'est avec Jeremy que je vous cale sur Fun Radio. On aura aussi Nicki Minaj, c'est un petit souvenir avec Pente de Alarme. Et juste avant, c'est du belge avec Lost Frequency, 6h36. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. vacances. Sur Fun Radio. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in Ibiza. Giuseppe's a natty, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. I'm someone in them little mini skirts is out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Hey? Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. Démarrer la journée sur Fun Radio, 6h42. On revient en Belgique avec Alec Jeremy, c'est Sweet Afterglow, c'est son nouveau titre et c'est ce que je vous cale dans un instant. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant, que se passe-t-il sur nos routes ce matin, Florence, à 6h42 partout à Bruxelles et en Wallonie? Pour le moment, rien à signaler, mais attention, parce que le week-end est classé rouge dans le sens des allers et retours de vacances. Si vous souhaitez partir en vacances et que vous nous écoutez à l'heure actuelle, c'est peut-être le moment pour partir justement et ne pas rencontrer de embouteillages sur la route. Effectivement, soyez prudents. Puis si vous apercevez maintenant, ou c'est dans la journée, un ralentissement, un accident, un objet encombrant, faites-le nous savoir. C'est la Fun Solidarité. Vous nous envoyez un petit message au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Et nous, on préviendra ainsi la Fun Family. Coralie, dans quelques instants, on va parler du Club Buzz du jour, un Club Buzz média plutôt original. Ouais, on va parler d'une nouvelle émission qui fait polémique au Royaume-Uni. On va déjà donner le nom, ça s'appelle Naked Attraction. On en parlait hier justement. Quand on regarde, on se plaint parfois en Belgique des émissions de télé qui peuvent avoir qui sont pas très originales ou qui sont beaucoup recyclées de la France. Mais quand tu regardes les autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore la Chine et tous les pays asiatiques, et ben en fait ils ont parfois des concepts complètement pétés. Ah mais totalement, ils sont fous. Surtout les Japonais. Je pense que les Japonais sont vraiment les maîtres dans ce délire. Voilà exactement. Inventer des programmes totalement fous. Un exemple peut-être d'un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Il fallait sauter d'une hauteur exceptionnelle dans un boudin. Et il fallait se lancer dans l'eau et faire aller le plus vite possible pour taper contre un mur. Bref, vraiment une connerie. Et encore une fois, quand on voit l'argent qu'on met derrière ça, c'est dingue. Je sais pas. Oui, je sais pas, ils ont du budget, on va dire. On va dire, bah heureusement pour eux. En tout cas, ce matin, on parle pas de ça, mais on parle d'une émission qui a buzzé au Royaume-Uni. On en parlera tout à l'heure. On parlera également de Je peux pas, j'ai piscine. Est-ce que tu connais, Coralie? Non, pas du tout. Eh bien, c'est une nouvelle soirée branchée qui est organisée durant tout l'été à Bruxelles. On va en parler avec un des organisateurs tout à l'heure. On parlera également des grèves de transport. Vous avez envie de réagir avec nous? Ça se passe comment, Coralie, pour réagir? Il vous suffit d'envoyer un message au 3044, c'est 50 centimes par message, ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Et puis, on a du cadeau pour vous aujourd'hui. On vous offre vos places pour partir au parc Walibi. Oui. Donc vous souhaitez partir avec vos 4 entrées, parce qu'on va en offrir 2 fois dans l'émission, 2 fois 4 entrées pour aller à Walibi passer une journée. Vous pouvez envoyer Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Il faut quand même rappeler que Walibi, c'est LE parc d'attractions en Belgique où il faut absolument aller. Ah oui, en plus avec la toute nouvelle attraction, le Pulsar qui a ouvert il y a peu de temps. C'est vraiment l'attraction à tester, je pense. J'en ai eu que de bons échos. En tout cas, moi, je vais aller la tester bientôt. Eh bien, nous, on vous offre 2 fois 4 places aujourd'hui. Vous envoyez Pulsar par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et tout ça et bien plus, ça arrive juste après ça. Proximus présente... Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh, bah facile, basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça? Football, balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein? Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Fun Radio. International et la connexion. Kiskam. Youssoufa est dans la maison. De fois, Bimba da Bingdam. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. Faire fort, finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more. Kept moving that way. Youssoufa est dans la place. Youssoufa est dans la place. Tefa est dans la place. Miami est dans la place. Kinshasa est dans la place. Paris est dans la place. Et ça fait bim bada bing. Bim bada bing. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Feel so far. Hey, I know I took it upon myself that I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. 'Cause life won't fall apart if you keep on living for today. There's gonna be no way, no say to give up on you now. 'Cause life won't fall apart. De William Grigasin, tu connais Coralie? Ça me dit quelque chose. Eh bien, on connaît tous évidemment, c'est le petit prodige belge DJ Snake qui cartonne d'ailleurs partout dans le monde. Son vrai nom c'est William Grigasin. Eh bien, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, vendredi 5 août, car il sort son premier album qu'il a mis 3 ans à faire. Il s'appelle Encore. Alors, dessus, on peut retrouver des collaborations telles que Jeremiah, Skrillex ou encore le beau et talentueux Justin Bieber. Le meilleur de son dancefloor a dessus aussi, comme Talk qu'on s'écoute maintenant sur Fun Radio. Welcome. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je pars faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine, son pompe pas. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devant me mentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'avale ailleurs. Merci d'être sur Fun Radio dans quelques secondes. J'ai pour vous Galantis et Nemoni. Et c'est mon coup de cœur du moment et je le partage avec vous dans un instant. Juste avant, c'est Rice Réfié Bonne Bonne que je vous cale sur Fun. Ce sera d'ailleurs en interview exclusive Rice Réfié sur la page Facebook de Fun Radio d'ici quelques jours. Et ça arrive juste après ça. Fun. Fun Radio. Presque 7h sur Fun Radio, on fait un tour de l'actu en ce vendredi 5 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Bonne nouvelle au parc animalier Peridaise, Baby Pig grandit bien et va pouvoir être vu du grand public. Celui qui ressemblait encore à une crevette rousse il y a presque 3 mois est devenu un vrai petit panda. Il va d'abord faire ses premiers pas dans la grotte où il pourra donc être en contact aussi bien avec sa maman qu'avec son papa. Le public va pouvoir admirer cette petite boule de poils de 2,5 kg dans les prochains jours. À l'étranger, ce jeudi, la secrétaire aux forces armées américaines s'est dite inquiète par la possibilité que les États-Unis renoncent à leur capacité de première frappe nucléaire. Obama a annoncé envisager une refonte globale de la politique nucléaire. Le président américain s'est également engagé à ne jamais procéder à la première frappe dans un conflit nucléaire. Obama plaide de depuis toujours. Pour un monde sans armes nucléaires, il compte bien terminer ses travaux avant de rendre les clés de la Maison Blanche dès l'année prochaine. Les 400 millions de dollars payés en liquide en janvier à l'Iran n'étaient pas une rançon versée par Washington, selon le premier ministre, selon le président américain. On sait qu'à l'époque, 5 prisonniers américains étaient enfermés. Au départ, tout le monde pensait que cet argent avait été versé pour obtenir leur libération. Selon Obama, il n'en est rien. Cet argent a été transmis à Téhéran dans le but de régler un vieux différend commercial entre les deux pays. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec ces deux aventuriers qui se sont lancés le défi de s'élancer dans une traversée de la Manche en sous-marin à pédale durant 2 semaines. Les deux hommes, tous deux ingénieurs, se lanceront à l'eau aujourd'hui. Une traversée à l'occasion de la mort de Louis Blériot, le premier pilote à avoir traversé la Manche en avion. Cela fait 8 ans que le projet Poisson Pilote a été mis en place. Les deux hommes ne pourront compter que sur leur force, leur morale et leur mollet afin de réussir ce défi. Une bonne dose de Sound and Floor, c'est ce que je vous réserve dans la suite avec le duo Michael Moore et Ryan Lewis. On aura aussi Galantis et Nomoni juste avant Florence. Côté météo, que se passe-t-il aujourd'hui? Quelques nuages bas dans le nord et l'Ardenne avant le retour des éclaircies. Les températures restent constantes, elles seront comprises entre 17 et 22 degrés. Le Sound and Floor continue dans Summer Fun avec Era Istrefi sur Fun Radio. Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun. No sé dónde de un veto. Se me voy por ti veo, de veto me veo. Se me daño un veo. Se me van, se me van, se me van, se me van, van, van, van. A ver, no se van, van, dan, dan. Bet you wanna taste it, van, van. Bet you wanna taste it. Vous êtes sur Fun Radio et jusqu'à 9h c'est Summer Fun. Merci d'être là. Dans un instant c'est Galantis et Nomoni que je vous cale côté Sound Dance Floor. Et c'est juste après ça. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et Coralie, c'est une nouvelle heure de son dance floor qu'on démarre maintenant. On commence avec ce vendredi 5 août 2016. Nous sommes le 218e jour de l'année, fin de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Abel, Marie-Neige et Oswald. On a des anniversaires de stars, des stars qui sont nés en ce 5 août. Oui, dont Jean-Marc Morandini, tout le monde on le connaît. Avec qui fait le buzz en plus pour le moment. Ouais, exactement. Emmanuel Chin, c'est un ancien animateur télé française. Et Patrick Cohen, c'est un journaliste radio et de télé. Et d'ailleurs, qui anime un morning également en France, on peut donc le saluer. Journée mondiale du jour, Coralie. C'est la journée mondiale de la bière. Ah, ça évidemment, ça va faire plaisir à notre journaliste Florence. C'est vrai. Et son cadre californien qui a eu l'idée en 2008 de créer cette journée, mondiale. Donc ils l'ont sûrement eu après une journée, une soirée certainement, un petit peu arrosée. Voilà. Mais depuis chaque premier vendredi du mois d'août, on fête cette journée mondiale de la bière. Et bien en tout cas, ce sera à découvrir aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale de la bière, à boire avec modération évidemment. On va également à parler du Clubbuzz, Coralie, parce que dans quelques instants on va en parler. Un petit mot dessus, c'est un Clubbuzz média original. Oui, exactement, on va parler d'une émission de télévision qui fait polémique au Royaume-Uni. Alors son nom, c'est Naked Attraction. Et bien on va découvrir tout ça dans un instant. Juste avant, côté sur Dance Floor, on se fait un petit souvenir. Je sais pas si tu te souviens de Michael Moore et Ryan Lewis. C'est un duo qui est cartonné. Ah, oui. Ils reviennent justement, on va se faire un petit plaisir. C'est Madonna qui me l'a demandé par SMS au 3044. Oui, je ne rigole pas, c'est bien Madonna. Ils arrivent avec Trip Shot dans un instant. Juste avant, c'est Galantis et No Money, 7h06. Vous êtes sur Fun Radio, welcome. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Now, walk into the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. Bargain copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Popping tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking. 7h12 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, je m'appelle Anto, vous écoutez Summer Fun et on est ensemble en direct jusqu'à 9h. Môme, Aloha, c'est ce que je vous cale côté son dance floor dans un instant, ça sent bon l'été. Imaginez-vous les doigts de pied en éventail sur la plage, et bien c'est ce que vous allez pouvoir faire dans un instant. Le temps pour nous de parler de Fabien Feyesh-Coralie, il nous rejoint comme chaque matin pour nous faire délirer avec ses petits vannes, ses petits canulars. Est-ce que ça t'arrive toi de parler plusieurs langues à la maison? Pas à la maison, mais je parle plusieurs langues. Comme quoi, par exemple? Néerlandais, l'anglais. Mais vite fait, hein, je suis pas une trilingue non plus. Hein. Non, je vais pas te piéger maintenant parce que peut-être que je ne saurais pas réagir dessus. Par contre, Étienne, on pourrait lui parler en néerlandais après. Ah, vu qu'il ne sait pas péter un mot néerlandais, vu qu'il est français, notre ami Étienne. Il vient de Marseille. Et puis, il habite Paris et il vient ici pendant l'été pour réaliser le morning. Eh bien, rien à voir. Petite transition sur Fabien Feyesh. Lui, il aime bien parfois passer des commandes au téléphone, mais là, en une langue différente de la sienne, en italien. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fabien Feyesh. Je vous appelle parce que je voudrais commander à emporter. Dites-moi tout, madame. Non, c'est monsieur. Hein. Oui, c'est pas grave, monsieur. Oui, quand je parle un petit peu italien, ça me ferait plaisir de passer ma commande en italien, ok? Est-ce que... J'ai été surpris du retour. On va nous aussi parler en italien dans quelques instants avec Fabien Feuillet sur les alentours de 7h40. Dans un instant également, c'est Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada. C'est Camille qui nous l'a demandé par SMS au 3044. Vous avez, vous aussi, envie d'écouter un titre en particulier, le faire partager à toute la Belgique? Eh bien, vous m'envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044. Juste avant, c'est Môme qui arrive sur Fun, en duo avec Mary Jane. Nous ici, on adore Môme dans l'émission, Coralie. Parce qu'on a l'impression d'être au bord de la plage, les doigts de pied en éventail, de se faire plaisir. C'est les vacances, on est ensemble, on fait la fête. Ce matin, on va faire la fête ensemble sur Fun Radio. Il est 7h14. Vous écoutez Summer Fun et voici Môme et Aloha sur Fun. Bon réveil. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had his groove. Cosmic love gave you something gold. 7h17 sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Dans quelques secondes, on fait le Club Buzz du jour, un Club Buzz média un peu insolite. Et côté Sun Dance Floor, c'est Soprano qui nous rejoint avec le diable de Sabi plus en Prada sur Fun. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très waouh. Près de 2 250 000 euros à gagner. Jouez au loto. C'est Gala, Give Me Your Love, c'est ce qui arrive dans quelques secondes à 7h18 sur Fun Radio. Et c'est juste après ça. Info, scoop. People, Média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie a un Club Buzz plutôt particulier. C'est un Club Buzz Média qui a buzzé sur la toile. Exactement, donc on va parler de l'émission qui fait polémique en ce moment au Royaume-Uni. Elle s'appelle Naked Attraction. Le principe, deux candidats cherchent l'amour et ils doivent choisir parmi six prétendants qui leur sont proposés. Mais le problème, c'est qu'ils cherchent l'amour d'une manière plutôt étrange. Exactement, la particularité de cette émission et de cette fête chercher l'amour, justement, c'est que les candidats qu'ils vont voir sont nus en fait. Ils ne voient que leur corps, pas leur visage. Et ils doivent donc choisir un candidat par rapport à leur corps, à leurs critères physiques. Donc c'est un peu dégueulasse parce que d'un côté, tu juges purement sur le physique et même sur la gueule, juste le visage, juste le corps. Exactement, justement c'est une expérience en quelque sorte, étant donné que vu qu'on est dans une période dans des années où on change énormément de partenaires, mais ils voulaient savoir si en se basant uniquement sur des critères physiques, on pouvait trouver l'amour. Et donc c'est pour ça que l'émission existe. Maintenant, évidemment, elle a reçu plus de 60 plaintes de personnes qui considèrent que l'émission montre des images assez dégradantes de la personne et que la chaîne s'est abaissée assez bas pour attirer de l'audience. Mais niveau audience, est-ce que ça a fonctionné? fonctionné? Est-ce que ça a attiré les gens? Eh bien, l'émission a attiré 1,3 million de téléspectateurs, donc c'est une hausse de 80% par rapport aux résultats habituels de la chaîne. Bah justement, c'est ça qui plaisait aux gens, certainement, c'est de voir des gens nus, et puis c'est une nouvelle émission, donc ça les excite tout de suite un petit peu de voir qui ou quoi, comment, pourquoi. Je pense que c'est surtout de la curiosité, maintenant oui, voilà, on va voir si ça va continuer sur la durée, mais ça continue tant mieux pour la chaîne, c'est que ça fonctionnera vraiment, que c'était une très bonne idée d'émission au final. Tu t'inscrirais toi à une émission comme celle-là? Non, pourquoi? Jamais. Parce que c'est pas du tout quelque chose. T'as pas envie de te mettre toute nue devant une caméra, c'est ça? Non, exactement. Merci beaucoup Coralie. Vous voyez un petit buzz, vous voyez un petit clap sur internet. Vous avez envie de le partager avec nous pour qu'on en parle ici à l'antenne, c'est très simple. Vous envoyez tout ça sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, c'est Sigala qui arrive, ce côté son dance floor, ainsi que Soprano et Le Diable ne s'habille plus en Prada sur Fun. Moi j'aime le barbecue parce que quand c'est le barbecue, c'est moi qui cuisine. Ah ben c'est madame qui va être contente alors. Et si vous voulez lui faire encore plus plaisir, préparez-lui nos délicieuses petites côtes de porc. Là c'est sûr, vous aurez la côte. Jusqu'à mardi chez Carrefour Market, le second pack de nos délicieuses petites côtes American Barbecue Spicy au miel est à moitié prix. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Oh là, un éléphant d'Afrique. Waouh, c'est des belles bêtes hein, quand même. Mesdames et messieurs, notre zoo va fermer ses portes dans 10 minutes. C'est quand même pas pareil qu'un vrai safari hein. Ah ben non. One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la bière, célébrée dans le monde entier à 6h, heure locale, avec nos bières. Là, pendant que vous vous éveillez, Samoa lève déjà son verre de bière belge face au Pacifique. Ce soir, à 6h, ce sera à nous. Trinquez avec nos bières belges et partagez votre toast avec le hashtag Fier de nos bières. Nos bières se dégustent avec sagesse. Fun Radio. I could leave you, cause I feel my heart numbing. It hits so deep, I close my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay. But I don't need you, and you should know that, baby. It'd take a miracle for you to really try and change me. Then I felt sorry for the look on your face. So I stay. Cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Sur le globe depuis

La journée démarre doucement mais sûrement, vous écoutez Summer Fun. Il est 7h30 sur Fun Radio, on fait le tour de l'actu comme toutes les demi-heures avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle plateforme sera mise en place dès janvier dans notre pays. Le centre de crise fédéral va ouvrir une plateforme appelée Incident and Crisis Management System. Celle-ci reliera entre les services publics, hôpitaux et entreprises sensibles dans le but de mieux communiquer. Un projet qui fait suite aux failles connues lors des attentats du 22 mars dernier. La plateforme sécurisée sera accessible à l'aide d'identifiants individuels. Elle sera traduite en 4 langues. La mouture belge du dispositif devrait s'avérer unique au monde. À l'étranger, Ban Ki-moon a un successeur en moins dans son poste de secrétaire général de l'ONU. L'ancienne ministre croate des Affaires étrangères, Vesna Putsik, s'est retirée ce jeudi dans la course à la succession. Cette décision est intervenue à la veille du deuxième tour du scrutin. C'est la première personne à démissionner dans la course à la succession. La personne élue au poste prendra ses fonctions au début janvier. La popularité de la chancelière allemande Angela Merkel est en chute. Moins d'un Allemand sur deux se dit satisfait de son travail. La cause principale à cette perte de popularité est sa politique à l'égard des réfugiés après de premiers attentats sur le sol allemand. Seulement 47% des Allemands se disent satisfaits du travail qu'elle a accompli. Il s'agit de la deuxième plus mauvaise cote de popularité pour la chancelière depuis sa réélection en 2013. En sport, les athlètes belges sont de plus en plus confiants pour leur concours olympique. Les JO s'ouvrent dès ce soir avec 109 athlètes qui nous représenteront dans de nombreuses disciplines. Notre porte-drapeau sera la seule athlète belge déjà médaillée aux Jeux Olympiques en la personne d'Olivia Borlée. Tous nos athlètes ont des objectifs, voire des rêves. On peut espérer quelques médailles dans différentes disciplines, dont le judo, l'athlétisme ou encore la gymnastique. Une petite information insolite et très mignonne pour clôturer ce flash avec ces deux jeunes kangourous qui sont devenus les meilleurs amis du monde. Madeleine et Sébastien ont tous deux été sauvés par un bienfaiteur australien. Les deux bêtes sont devenues inséparables aujourd'hui dans un refuge. Il est tout simplement impossible de les séparer et lorsqu'on tente de les mettre chacun dans un endroit différent, les deux jeunes kangourous se font de gros câlins. Une séquence toute mignonne que l'on peut visionner sur les réseaux sociaux. Fun Radio. Dans un instant, on va s'écouter le Fabien Feuillage du jour. L'idée, c'est qu'il va commander au téléphone en italien, mais vous allez voir, c'est plutôt drôle. On aura aussi côté son dancefloor Imani et Don't Be So Shy, ainsi que Cheat Codes et Sex, juste avant côté météo. Est-ce qu'on va pouvoir sortir les shorts et les barbecues aujourd'hui? Pas tout de suite, avec quelques nuages bas qui seront encore présents sur le nord et l'Ardenne avant le retour des éclaircies. Les températures restent stationnaires. Elles seront comprises entre 17 et 22 degrés. Mais ce week-end, les barbecues, ce sera bon, normalement. Ah oui, sans problème, jusqu'à 28 degrés normalement, donc génial. On pourra en profiter. Merci Florence. Le Sundance Floor continue avec Maître Gims sur Fun Radio dans Summer Fun. Fun. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son dance floor. Du son dance et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. Une évidence, je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une

7h41 sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous. Cheat code sexe, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant ça, Coralie, on accueille Fabien Feyesh. En quelques mots, c'est un gars qui fait des canulars téléphoniques, il décroche son téléphone, il appelle les inconnus qu'il trouve dans le bottin et franchement, nous, ça nous fait toujours rire. Ah oui, en plus, il arrive généralement à énerver les gens, on kiffe. Ça, c'est encore mieux. Est-ce que tu as peut-être des langues comme ça que tu parles? Néerlandais, anglais, un petit peu. La question était très bête parce que oui, tu parles une langue, c'est logique, le français. Mais tu parles un peu le néerlandais et l'anglais. Ouais. Eh bien, Fabien Feyesh, lui, il a envie de parler un peu italien et pour énerver son interlocuteur, il a voulu passer commande en italien. Écoutez. Fabien Feyesh. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fabien Feyesh. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je voudrais commander à emporter. Dites-moi tout, madame. Non, c'est monsieur. Hein. Oui, c'est pas grave, monsieur. Oui, quand je parle un petit peu italien, ça me ferait plaisir de passer ma commande en italien, ok? Son italiano, signore. Si, voilà. Pepperoni, mamma mia, materazzi. Si? Materazzi, non, il n'y en a pas. La Fiat Punto. Il n'y en a pas. Parlez-moi en français plutôt. Non, je préfère en italien. Oui, mais alors, dépêchez-vous à commander des pizzas, j'ai tous ces pizzas à faire. Si, on a Ferrari, Berlusconi. C'est conjugué à quel temps ça Pas le temps. Bonjour. Oui, Rococolito, est-ce Fabio Feyesho? Non, écoutez, monsieur, je vous dis un truc. Oui. Si vous voulez commander des pizzas. Oui. Je souffre un peu par de la commande en français, parce que là, je comprends rien ce que vous dites. Vous pouvez parler en italien, parce que je comprends mieux l'italien. Là, vous comprenez pas l'italien et vous parlez pas italien. Si. Là, c'est pas la peine. Ah, si. Oui, allô? Oui, Cuculito, c'est Fabio Feyesh, j'ai appelé tout à l'heure. Oui, vous arrêtez à bien, monsieur, c'est pas la peine, vous parlez pas italien. C'est, mais, potato, evoglia de fel pipi nell'automobile, hein? Capito quoi, ça veut dire quoi? J'ai pas compris, c'est tombé, cacho, vas-y, cacho. Hein? Va, fanculo, va, dai. Oui. Oui, re-coucou, S.O. Oui. Fabio Feyesh. Mais cacho, monsieur, va faire un culo. Mais ça veut dire quoi exactement, va faire un culo? Va faire un culo, c'est déjà va te faire un monsieur. T'as compris? Maintenant tu comprends le français? Va te faire un. Ah, c'est plus joli en italien. Fabien Feyesh. Fabien Feyesh. Va faire un culo, c'est déjà va te faire un monsieur. T'as compris? Voilà, encore un bel énervement de Fabien Feyesh qu'on va pouvoir retrouver évidemment dès demain. Dès lundi même, parce que ouais, demain c'est le week-end déjà, Coralie. Oh là là, la semaine est passée tellement vite. Ouais. Dans quelques instants, on vous rappelle comment participer à l'anniversaire du jour. Si vous avez envie de souhaiter un anniversaire à vos potes, je vous explique tout ça dans quelques instants. On va également parler de plein de choses, des transports insolites. Et puis on va vous offrir vos places pour partir à Walibi. Vous envoyez dès maintenant Pulsar, PULSAR par SMS au 6322 pour 1€ le message. Voici Cheat Code sur Fun 7h44. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all sex. Love is unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. Like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. sur Fun Radio, merci de démarrer la journée avec nous. 7h47, on termine la semaine ensemble avec dans quelques secondes Imani et Don't Be So Shy. Le temps pour nous t'appeler Nathalie. Ça me fait rire parce que vous ne voyez pas, mais Coralie, elle vient de mettre son casque et elle a des très longs cheveux. Et donc, en le mettant en dernière seconde, on dirait un truc, je sais pas ce qu'on dirait en fait, c'est horrible. Ne me critique pas. Je n'oserais pas, Coralie, tu sais bien. On va appeler Nathalie donc qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle a 43 ans, elle habite Warem. On va l'appeler en direct, c'est ta maman en plus, oui, Nathalie. C'est ma maman. Ça va être donc une petite surprise pour la maman de Coralie. On va lui souhaiter avec notre plus belle voix un joyeux anniversaire. On va la réveiller surtout. Ah, c'est pas grave, au moins elle profitera. Elle a intérêt à décrocher. Au moins elle profitera de sa journée. Oui, mais elle a intérêt à décrocher. Nathalie. Est-ce que tu es là, Nathalie? Allez, si, on lui laissera un petit message mignon sur sa boîte vocale. Nathalie qui fête ses 43 ans aujourd'hui, et puis juste après, c'est une vieille. On va appeler Roxane. On va vous expliquer qui est Roxane dans un instant. Nathalie. Allez, maman, s'il te plaît. Vous êtes sur la messagerie vocale de. Nathalie. Ah non. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Ah, c'est bête, Nathalie, veuillez on avait un voyage à vous offrir. Après le c'est dommage. Quand vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur le carré. Merci, madame. Pour plus d'options. C'est gentil. Bonjour Nathalie, ben voilà, on avait une énorme surprise pour toi. Malheureusement, tu ne décroches pas. Très bientôt, des bisous. Non, allez, plus sérieusement, je suis avec Coralie ce matin parce qu'on voulait te souhaiter un très très joyeux anniversaire, Nathalie. Joyeux anniversaire, maman. 43 ans, ça se fête. En plus, la maman de Coralie, on te fait de nous tous ici plein de bisous. Une très belle journée, un très beau week-end qui va se passer. Puis on libère ta fille aux alentours de 16h40. Hein, rassure-toi, tu pourras aller faire la fête avec elle. Je te fais des bisous, Nathalie, à très très bientôt. Vous aussi, vous avez envie de fêter votre anniversaire, bah, c'est très simple. Coralie, on va appeler quelqu'un d'autre. Roxane, qui a 32 ans aujourd'hui et qui est en fait une ancienne de Fun Radio, Roxane d'ailleurs, qui va arriver avec nous. On va l'appeler en direct. Elle est en fait une ancienne journaliste du matin, puisqu'elle faisait les infos sur Fun Radio le matin il y a quelques années de ça. Elle habite Banche, dans la cité du Gilles, dans le Hainaut, et elle fête ses 32 ans aujourd'hui. On va donc lui faire un petit coucou en direct. Normalement, elle ne sait pas qu'on l'appelle. C'est une petite surprise qu'on voulait faire pour faire un clin d'œil à la Team Family, à la Fun Family, pardon. Est-ce que Roxane est réveillée? Les gars, quand même, il est 7h50, les gens ils dorment. On est réveillés à 7h50. Nous, on est levé depuis 4h45. Mais bon, c'est vrai que c'est les vacances, donc tout le monde va pas au boulot. Et que, bon, voilà, à voir. Est-ce que Roxane va se réveiller ce matin? Bonjour, vous êtes bien sur la message de Roxane. Pas de Roxane. J'ai laissé un message et je vous rappellerai, merci. Salut Roxane, on voulait te souhaiter un très joyeux anniversaire ce matin. Toute l'équipe de Summer Fun se joint à moi pour te souhaiter un joyeux bon anniversaire. Joyeux, bonne, bon écoute, c'est joyeux, pareil. Bonne. Mais bisous Roxane, tu fêtes aujourd'hui tes 32 ans. On voulait te faire un gros bisou à l'antenne de Fun Radio ce matin. A très bientôt Roxane. Vous avez vous aussi envie de fêter l'anniversaire d'un proche? Passez ici à l'antenne la semaine prochaine, c'est très simple. Voici comment ça se passe. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party all night all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Party Fun. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. She's Miss California. Part of me wants to lay housing by the water. Say the yacht across the bay. Drive the Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. Superstar, they know her name. Comme un aimant. Elle m'attire mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Part of me wants to lay

Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Think about money, think what I owe. Spent it on a car with a cool, cool stereo. And I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. Total lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays. Think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met. Swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex. Think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Et puis dépêchez-vous, dans quelques instants on vous offre vos places pour partir à Walibi, Coralie. Et oui, si vous souhaitez aller dans le parc le plus incontournable de Belgique, envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322. On fait le tirage au sort dans quelques instants. Et c'est juste après ça sur Fun. Fun Radio. 8h01 sur Fun Radio, debout tout le monde. On s'informe avec Florence Venlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le recours au crédit temps est de plus en plus utilisé pour les hommes employés dans le secteur privé. En 5 ans, le nombre de personnes ayant eu recours au crédit temps a explosé. Sur cette période de temps, ce nombre a augmenté de 25%. Dans le privé, il est passé de 1,94% à 2,49%. Les progressions les plus importantes concernent le congé parental à temps partiel, ainsi que la prise en charge d'un membre de la famille gravement malade. À l'étranger, le responsable palestinien de World Vision a été arrêté et inculpé. Il est accusé d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars au profit du Hamas islamiste. World Vision est une des plus importantes organisations humanitaires avec plus de 40 000 employés dans près de 100 pays. L'histoire aurait pu être marrante, mais c'est au final un véritable drame. L'histoire aurait pu être marrante, mais c'est au final un véritable drame qui a eu lieu dans un archipel espagnol des Caraïbes. Un incendie a été provoqué par un Allemand après avoir fait ses besoins. L'Allemand a bouté le feu au papier toilette après avoir profité d'un coin paisible pour un besoin urgent. Un garde forestier est décédé dans cet incendie en essayant de combattre les flammes. L'Allemand a été arrêté et est accusé d'avoir causé un feu de forêt par négligence. En sport, le cycliste luxembourgeois Frank Schleck a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Son coéquipier Fabien Cancellara a lui aussi annoncé sa retraite professionnelle. Le coureur luxembourgeois est resté 10 ans dans le peloton professionnel où il a remporté plusieurs titres. Parmi ceux-ci, on peut citer ses victoires au Tour du Luxembourg, de Suisse ou encore ses deux victoires sur le Tour de France. Le plus âgé des frères Schleck a également pris la 3e place du Tour de France 2011. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec la saga Pokémon Go qui est présente partout, mais il vaut mieux s'abstenir d'y jouer dans la ville suisse de Bâle. Les Pokémon, dont le plus célèbre Pikachu, ont décidé de ne pas se laisser faire. Une bande de bonhommes jaunes se promène dans les rues suisses avec de grosses Pokéballs afin de toucher les personnes essayant de les attraper. Une vidéo a été postée pour montrer la revanche des Pokémon. Elle a été vue à plus de 18 millions de reprises sur le célèbre célèbre réseau social Facebook. Fun Radio. Dans un instant, on appelle en l'une d'entre vous pour remporter vos 4 places pour partir à Olibi. Alors vous avez encore le temps de vous inscrire, vous envoyez Pulsar, P-U-L-S-R par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et côté son dancefloor, c'est Boosty qui arrive, on aura aussi le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike. Avant ça, côté météo Françoise, Florence, il fallait que je le fasse aujourd'hui au moins une fois. Qu'est-ce que tu nous prévois pour ce week-end? Et quelques nuages bas sur le nord et l'Ardenne avant le retour des éclaircies, des températures qui seront comprises entre 17 et 22 degrés. Summer Fun continue avec le son dance floor de Major Lazer sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be if they need a pile of whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. After the club, I'm smashing. She a make bag a nice, me no even give a fuck. She a swan lot a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a girl is, I'm in stanza forever. Sur Fun Radio, merci de vous réveiller avec nous. On revient en Belgique dans quelques secondes avec le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike, Style Wild. C'est ce qui arrive côté son dance floor. Juste avant Coralie, nous sommes le vendredi 5 août 2016. Oui, et le 218e jour de l'année, nous sommes à la fin de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Il y a Abel, Marie-Neige et Oswald. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés aussi ce vendredi 5 août. Jean-Marc Morandini est né aujourd'hui. Emmanuel qui fait le buzz pour l'instant d'ailleurs avec son Faucon TV. Jean-Marc, sacré. C'est vrai. Emmanuel Chin, c'est un ancien animateur de télé française, fête aussi son anniversaire. Et Patrick Cohen, lui c'est un journaliste de radio et de télé qui a aussi un morning en France. Effectivement, et qu'on salue. Et puis c'est la journée mondiale de la bière aujourd'hui. Ah oui, qui a été créée par 4 Californiens qui ont eu sûrement l'idée après une soirée aussi bien arrosée. Certainement, on rappelle évidemment qu'on boit avec modération. On a Christine qui est avec nous par téléphone, elle a 39 ans, elle habite Oui. Salut Christine. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin Christine? Ça va très bien, merci. Alors j'ai une petite question pour toi avant qu'on commence. Est-ce que tu as déjà eu des galères de transport en voiture ou encore en transport en commun, toi? Oui, quand je prends le train et qu'il est annulé à la dernière minute. Ah, tu es comme nous, tu adores ce genre de situation, j'imagine. J'adore. Eh bien Christine, tu as joué avec nous par SMS au 6322 et j'ai une très bonne nouvelle pour toi pour terminer la semaine. Tu repars avec tes 4 entrées pour Walibi, bravo. Ouais, c'est super, merci beaucoup. C'est le parc incontournable de Belgique Coralie avec un maximum d'attractions possibles et inimaginables. Exactement, dont le loup-garou, le vampire, le cobra ou encore la toute nouvelle attraction, le pulsar que vous pourrez du coup tester avec vos amis ou alors en famille à votre guise. Et Christine, je te fais des gros bisous, à très bientôt. À vous aussi, merci beaucoup. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter le matin, Christine. On a encore des places à vous offrir tout à l'heure, Coralie. Comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Dans quelques minutes, on vous parle des idées de sortie à faire aujourd'hui et ce week-end. On aura également un invité, il parlera de Je peux pas, j'ai piscine. C'est une nouvelle soirée qui est organisée à Bruxelles et c'est plutôt sympa. On en parlera juste avant 9h. Avant ça, à côté sur Dancefloor, c'est Boosty qui arrive. Et puis juste avant, c'est le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike. 8h09, bon réveil, vous êtes sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun, we fought for love, we were on the run. Try my best to give you what you need, so one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Vendredi dit auditeur en studio, on ouvre l'émission à vous chers amis, ils sont 4, ils sont avec nous aujourd'hui et on va jouer avec eux dans quelques instants. Avant ça, à côté sur Dancefloor, c'est Boosty et Feel Alone qui arrivent sur Fun Radio à 8h13 ce matin. Et pour cela, on va accueillir Benoît et on va accueillir Elliot qui sont avec nous. Comment ça va les garçons? Ça va très bien. Vous allez bien, toi Benoît, tu viens du Hainaut, c'est ça? Oui, c'est Binge dans le Hainaut, la cité du Gilles qu'on connaît. Ah bah d'ailleurs, on a fêté l'anniversaire d'une Binge Ouest tout à l'heure. C'était Roxane, je pense, qui était là. Et puis Elliot, toi tu habites XL. À XL, près de Bruxelles. Et bien on va jouer avec vous aujourd'hui les gars au Battle Fun. Le principe très très simple. Vous allez entendre un extrait, c'est un titre fun qu'on diffuse ici sur la radio. À vous de le retrouver, il a juste été légèrement modifié par notre stagiaire Étienne. Écoute. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous reconnaissez le nom de l'artiste ou encore la chanson? Matène. Ouais, je pensais ça aussi. Est-ce que c'est la bonne réponse, Étienne, qui a la réalisation? On va vérifier ensemble. Attention. Eh ouais, bonne réponse. Eh, ils sont forts, Coralie, aujourd'hui. Ah ouais. Un deuxième extrait pour vous, on va voir. Vous, les auditeurs, pour jouer avec nous également, Coralie, pour remporter du cadeau. Exactement, envoyez votre réponse au 3044. Vous pourrez tenter de repartir avec la dernière entrée pour la descente de la Lèze. Donc c'est vraiment la dernière qu'on offre. Après... cadeau surprise, mais aujourd'hui c'est votre entrée, donc envoyez la réponse par SMS au 3044. Deuxième extrait, on écoute. 3044. Est-ce que vous avez une idée ici en studio de qui peut chanter C'est un duo, allez, je vous donne un indice, c'est un duo. Benoît, peut-être Tu sais ce que c'est, plus ou moins? Pour toi, Elliot? Absolument pas. Absolument pas. Et bien justement, on va relancer ce titre à nos auditeurs. On va le réécouter une deuxième fois. Vous avez la réponse, vous pensez avoir la réponse. Vous jouez dès maintenant par SMS au 3044. Ça se passe par SMS au 3044 pour jouer avec nous ce matin. Et puis on appelle là en l'une d'entre vous dans quelques secondes. Armand Van Elden, c'est ce qui arrive côté son dance floor. On aura aussi Unique et Mercy. Juste avant, on va faire un tour du côté de l'agenda Coralie avec tout ce qu'il y a à faire en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie. C'est l'ambiance, ouais, c'est la bonne humeur du matin, on se fait plaisir. Il est 8h15 et c'est Boosty et Feel Alone que joue Kael sur Fun. Merci de vous réveiller avec nous, Summer Fun en direct jusqu'à 9h. Welcome. Je suis à pleurer dans un coin de mon appartement. Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like water. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. h 17 sur Fun Radio, la journée démarre ensemble avec dans quelques petites secondes Unique et Mercy côté son dance floor. Juste avant, on joue ensemble au Battle Fun Express. Le principe, reconnaître l'artiste ou encore le titre du titre qu'on va vous diffuser maintenant. On s'embrouille toujours sur ce jeu, Coralie, c'est dingue. Hein. Ah, du cadeau à la clé si on reconnaît l'artiste. Oui. Un cadeau. C'est pas grave, c'est le matin. Cadeau, votre entrée pour la descente de la Lesse, c'est la dernière qu'on vous offre. Donc pour participer, envoyez la réponse du Battle Fun par SMS au 3044. Je vous donne un indice, c'est un duo. Réécoutez bien, faites attention, dont un DJ français. Vous pensez avoir la réponse, vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Juste avant ça, on reçoit Fabien qui est avec nous par téléphone. C'est un des organisateurs du VW Bug Show qui se passera à Liège du côté du Spa Francorchamps. Salut Fabien. Salut, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va, on met tout le monde en place, donc ça va. Bah c'est une bonne chose, en tout cas merci d'être avec nous ce matin parce que tu viens nous parler de cet événement qui commence aujourd'hui et qui aura lieu tout le week-end, le Bug Show. C'est ça, donc en fait c'est un rassemblement de vieilles coccinelles, VW dérivés, donc les combis comme on a pu voir dans le film Cars, je veux dire tout ce dérivé de vieilles VW. Et voilà, ça se passe tout le week-end. Les gens qui possèdent une vieille VW peuvent rouler sur le circuit. Il y a des démonstrations d'accélération dragster. Il y a un marché aux pièces pour les gens qui cherchent des pièces pour leur VW. Enfin, et donc c'est un vrai rendez-vous de passionnés en gros. C'est ça, ouais, vraiment c'est un des plus gros, je vais dire en Belgique voire même en Europe. Donc là je vais dire les gens qui sont passionnés, qui n'hésitent pas à venir nous rejoindre pour passer du bon moment enfin. Et puis durant les 3 jours il y a aussi plein de démonstrations sur place. C'est ça, donc en fait les personnes qui ont une coccinelle ou autre peuvent tourner sur le circuit et je veux dire autant de temps qu'ils le veulent derrière un pescar, je veux dire à l'heure réduite. Il y a des démonstrations d'accélération dragster un peu comme on voit dans les meetings, je veux dire tuning et autres sur 400 mètres départ arrêté. Le samedi à 16h on a la grande parade, donc c'est-à-dire qu'on va mettre tous les véhicules sur le circuit. L'année passée on a fait je pense 2400 voitures sur la piste, donc ça vaut quand même la peine de voir quoi. Ok, il y a un site internet où on peut retrouver toutes ces informations? Oui, vous pouvez retrouver toutes les infos, donc c'est www.vowbugshow.be Et ou sur alors Facebook la page aussi, Facebook. Bien sûr. Ouais, sur la page Facebook qui est le Bug Show. Et alors on a créé un événement où il y a toutes les infos aussi qui est VW Bug Show 2016. Et puis grâce à toi Fabien, on va offrir des places à nos auditeurs ce matin. Vous avez vous aussi envie de partir découvrir le VW Bug Show ce week-end? Eh bien vous allez dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, vous partagez le statut, vous likez la page et puis vous commentez, vous mettez un petit message en dessous pour dire avec qui vous voulez partir. Et nous on vous offre plein de places pour aller eh bien justement à ce VW Bug Show. Merci beaucoup Fabien, à très bientôt et puis bon amusement ce week-end aussi. Merci également. À très bientôt Fabien. Vous avez vous aussi envie de parler de votre événement, venir ici en direct, parler je sais pas, votre anniversaire, votre événement, votre soirée? Ça se passe via la page Facebook de l'émission. Oui, la page Facebook Summer Fun. Venez nous rejoindre, likez la page, envoyez-nous des messages, on vous recontactera. Et puis dans quelques instants, on appelle l'un ou l'une d'entre vous pour repartir avec votre descente de la Lesse. Pour ça, il faut reconnaître l'extrait qu'on va vous rappeler dans quelques instants. Juste avant, c'est Armand Van Elden sur Fun Radio, 8h21. Bon réveil, merci d'être avec nous.

Ce soir, à 6h, ce sera à nous. Trinquez avec nos bières belges et partagez votre toast avec le hashtag Fier de nos bières. Nos bières se dégustent avec sagesse. Fun Radio. Fun Radio. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Now I'm wanting your body good enough for me. But this heart is open, busting on my sleeve. Soyez les bienvenus, vous écoutez Fun Radio et c'est Summer Fun jusqu'à 9h. 8h33, on fait un tour du côté de l'actu avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Trois accidents se sont produits sur les routes wallonnes. Un est à signaler en province du Hainaut. La voie de gauche est bloquée sur la E19 à hauteur de Nimy en direction de Bruxelles. Le point noir se situe en province de Namur avec deux accidents sur la E411 en direction de Bruxelles. Le premier a eu lieu à hauteur de Doussou. Le second s'est lui déroulé à Aiguezé. Dans les deux cas, la bande centrale est obstruée. Pour le second, la bande de droite est également fermée à la circulation. À l'étranger, les autorités environnementales brésiliennes ont rejeté la construction d'une énorme centrale électrique dans la forêt amazonienne. La forêt tropicale et les populations indigènes auraient été mises en danger par ce projet. Les groupes indigènes et le groupe Greenpeace se sont réunis pour protester contre la construction d'un méga barrage à São Luís du Tapajós. Une quarantaine d'autres projets de barrages sont prévus dans le bassin de la rivière Tapajós. Le gouvernement américain serait à court d'argent pour combattre le virus Zika. Barack Obama accuse le Congrès à majorité républicaine de ne pas avoir débloqué les fonds nécessaires. 15 personnes ont été contaminées dernièrement aux États-Unis. Le virus entraîne des malformations au niveau du fœtus. Le président américain craint que les essais cliniques afin d'obtenir un vaccin ne soient retardés. Pour terminer ce flash, on clôture avec un mélange de sport et d'infos insolites. Les Diables Rouges, Romelu Lukaku et Kevin Miralas ont pris connaissance de leur nouveau coach national lors d'un match amical. Alors que Romelu Lukaku venait de céder sa place sur le terrain, le Belge a été aperçu en gros plan à la télé. On le voit la tête dans les mains, c'est un de ses coéquipiers qui lui a annoncé la venue de l'Espagnol, ancien coach d'Everton à la tête des Diables Rouges. Sa réaction n'est pas passée inaperçue. Après le match, les deux Belges ont échangé sur la nouvelle en mettant en avant une mine plutôt réjouie. Fun Radio. Dans un instant, j'appelle l'un ou l'une d'entre vous pour remporter votre place pour la descente de la Lesse. Pour ça, il fallait reconnaître l'extrait du Battle Fun. On va le corriger dans un instant et on fera également un tour du côté de l'agenda du week-end. Et juste avant, côté son dance floor, c'est Justin Timberlake qui arrive. On aura aussi le duo Face et Afrojack. Et côté météo, un beau week-end qui s'annonce. Oui, avec quelques nuages bas néanmoins sur le nord et l'Ardenne. Avant le retour des éclaircies aujourd'hui, les températures seront comprises entre 17 et 22 degrés. Pour le week-end, en effet, des températures qui s'élèveront jusqu'à 28 degrés par endroit. Le son dance floor continue dans ce Fun avec Justin Timberlake sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. Just dance, dance, dance. Come on. All those things 40, on démarre la journée ensemble et on termine la semaine aussi. Hein. Face et Afrojack, hey, c'est ce qui arrive côté son dancefloor dans un instant. Le temps pour nous d'appeler Fred qui a 34 ans, qui habite à Athlète, avec nous par téléphone. Fred, il va arriver d'ici quelques petites secondes. C'est le gagnant du Battle Fun du jour. Fred, avec qui on va se reconnecter dans un instant. C'est le plaisir du direct, Coralie, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit tous les jours, en tout cas ici. Fred qui a raccroché, donc qui a joué au Battle Fun. Peut-être qu'on peut réécouter le Battle Fun. C'est un hook, un duo avec un DJ français. On va écouter ça. Et Fred est enfin là. Bonjour Fred. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va, tranquille. Alors la question était très simple. Tu devais reconnaître quel était l'artiste ou encore le titre qu'on vient de diffuser maintenant. Est-ce que tu as la bonne réponse? Ouais, David Guetta ici. Hein. David Guetta ici, à bonne réponse. Bonne réponse à toi Fred, bravo, tu repars avec ton entrée pour la descente de la Lesse. Ouais, félicitations. On t'envoie tout ça à la maison mon Fred, excellente journée à toi, à très bientôt. Ouais merci. Et des bisous Fred, vous avez vous aussi envie de remporter des places, on a encore à vous offrir tout à l'heure, c'est des places pour Walibi à présent. Exactement, vous pouvez envoyer le code Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message pour tenter de repartir avec vos 4 entrées pour Walibi. On fera le tirage au sort vers 9h15, donc si vous souhaitez passer une journée dans le parc d'attractions le plus incontournable de Belgique, participez dès maintenant, Pulsar par SMS au 6322. Bonne chance. J'ai envie de sortir, de faire la fête. C'est l'agenda du week-end sur Fun Radio. Et Coralie, on commence avec une fête qui a lieu ce soir ici à Bruxelles. Exactement, la flashback qui va se passer au Unite Club. Le concept, ça a pour but de nous replonger dans les meilleurs hits des années 2000, 90 et 80. Donc vous pourrez suggérer vos musiques tout au long de la soirée. Profiter d'un shooting photo avec des accessoires un peu vintage et un Luna Park qui sera prévu avec des consoles rétro. Et en plus, l'accès est super facile parce que c'est à 2-3 mètres de la Grand Place. Exactement, ça se passe rue du Quenoy, numéro 18, accès gare centrale, Grand Place. C'est vraiment proche de tout du centre en fait, c'est très simple d'accès. Et demain, c'est une soirée Garden. Exactement, la fucking Garden 5 Years qui va se passer à Agère. C'est la plus grosse Garden annuelle de la région qui sera de retour ce samedi 6 août à Agère en mode XXL, car cette édition sera spéciale car ils vont fêter les 5 ans du concept. Et c'est près d'où, Agère? C'est tout près de Warem, de Liège. En fait, c'est 5 minutes de Warem et de Hanu, à 20 minutes de Liège et de Huy et à 25 minutes de Namur. Dans quelques instants, on appelle l'un ou l'une d'entre vous pour vous offrir vos places pour Walibi et puis on parle de la soirée Je peux pas, j'ai piscine avec Thomas Trotton. Tout ça et bien plus, c'est juste après ça. Comment bien manger quand... On adore les tomates. Eh ben, reste une journée en plein soleil sur la plage et tu seras servi. On vous conseille plutôt d'essayer les succulentes tomates en grappe de Lez. Toutes produites localement en Belgique, elles ont un goût exceptionnel et sont délicieusement juteuses. Et avec un prix pareil, plus besoin d'aller au soleil pour rougir. En effet, jusqu'au 10 août, les tomates en grappe en vrac de Lez sont à seulement 99 centimes le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. La plupart de nos AD et Proxy Deleuze sont ouverts les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur deleuze.be. Ah, il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi j'ai envie de voir la mer. Ouais, tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Merci de vous réveiller sur Fun Radio, 8h44. Face et Afrojack, c'est ce qu'on s'écoute côté son dance floor. Et puis dans quelques instants, on appelle l'un ou l'une d'entre vous pour partir à Walibi. Bienvenue. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling, why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey. On part direction la plage avec Enrique Iglesias et Duele el Corazón sur Fun. Et c'est ce que je vous cale juste après ça. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et pour parler d'idées de sortie plutôt sympa, Coralie, ici à Bruxelles, on accueille Thomas qui est avec nous par téléphone. Salut Thomas. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Bah écoute, la semaine se termine, on la passe en plus sur Fun Radio, donc que demander de mieux. On parle avec toi d'une soirée plutôt originale qui s'appelle Je peux pas, j'ai piscine. Oui. Pourquoi ce nom en fait? C'est exact. Alors pourquoi ce nom? Donc même si on voulait faire des soirées dites branchées, on a toujours voulu apporter un ton décalé à nos événements, donc avec une touche d'humour, comme pour nos soirées chez Ginette. Mm-hmm. Et donc ce fameux Je peux pas, j'ai piscine a souvent été utilisé par les Bruxellois pour ironiser une excuse lorsqu'ils n'ont pas trop envie de faire quelque chose. Oui, c'est ça, ouais. Et nous on a trouvé ça vraiment très drôle. Et le concept c'est quoi concrètement? C'est une soirée? Oui, donc en gros c'est une soirée, donc on a toujours voulu, donc on a un collectif de 4 personnes qui s'appelle la bande à Ginette, et on a toujours voulu faire des événements extérieurs durant l'après-midi. Mm-hmm. On cherchait l'endroit idéal et on est directement tombé amoureux d'un endroit, d'un lieu très original ici à Bruxelles, le Jam Hotel. Mm-hmm. Ouais, qui est super, qui a une piscine sur le toit. Et donc ça nous a rapidement fait penser à des soirées qu'on retrouve dans les grandes villes comme New York et Paris, etc. Et donc le rooftop se situe au 5e et 7e étage avec plusieurs bars et musique d'ambiance. Et d'ailleurs, et ce qui est bien, c'est du 5e... Ouais, c'est ça, c'est qu'on peut être et sur la terrasse et sur les chambres et on peut voyager. Ah c'est ça, oui. Donc toutes les chambres du 5e où se situe la piscine sont accessibles durant l'événement. Et dans certaines chambres, t'as des artistes qui exposent leurs œuvres. Dans d'autres, des sponsors aménagent la chambre. Ou encore, les clients dans d'autres chambres peuvent s'y retrouver pour tout simplement boire des verres. Et ça dure jusque quand ces soirées? Alors, c'est éphémère, donc l'événement c'est jusqu'à fin septembre. Vu que c'est un event extérieur, on est dépendant de la super météo bruxelloise. Mais donc, pour le moment, c'est une fois par semaine, c'est tous les mercredis. Mais s'il pleut, ça risque d'être déplacé à un autre jour de la semaine. Et donc ça sera annoncé sur Facebook. Et on voit que pour ce week-end, par exemple, ça a été déplacé à cause de la météo. Mais finalement, elle a quand même fait le buzz cette soirée. Elle a quand même fait le buzz, oui, on a énormément de retours, mais il faut juste faire attention, donc il n'y a pas d'inscription possible. Il faut arriver vu la capacité. Oui, c'est ça, vu que la capacité est limitée, n'arrivez pas trop tard, parce qu'on donne quand même priorité à votre confort. Est-ce que tu as un site ou une page Facebook sur lequel on peut retrouver toutes les infos de la soirée? Oui, alors il y a une page Facebook qui s'appelle Je peux pas, j'ai piscine, donc il faut tout simplement aller sur Facebook, taper Je peux pas, j'ai piscine, vous allez directement tomber dessus. D'accord, ben, en tout cas merci beaucoup Thomas à partager tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission et puis bon amusement pour ce week-end alors. Super. Merci beaucoup, à bonne journée. À très bientôt Thomas, ouais. Dans quelques instants c'est Amine que je vous cale côté sur Dancefloor. On aura aussi Neil Van Zandt, le DJ d'Arlofone qui cartonne pour le moment. Et puis juste avant c'est Enrique Iglesias sur Fun. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, oh, it's beautiful, Mike. Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très waouh. Près de 2 250 000 euros à gagner. Jouez au loto. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país. Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo al amanecer. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam, Saga White Black, La Industria Inc. Summer Fun, c'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo te

je vais pouvoir enfin me reposer. Laisse-moi du courage si un jour tu pars. À présent je sais, je le dis à jamais. Tu es ma señorita. Raconte-moi tous les mystères de ta vie près de l'eau. Oh. Tu es ma señorita. Place à vous offrir pour partir à Walibi, Coralie. Oui, envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322 si vous voulez passer une journée dans le parc le plus incontournable de Belgique. C'est 1€ par message. Et c'est ce qu'on vous offre dans un instant sur Fun. Fun. Fun Radio. Et juste avant, il est 9h sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble et on prend une bonne dose d'infos. Je sais pas pourquoi ce lancement, Florence, j'allais dire Françoise encore. On s'informe à 9h avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un manque de personnel est à déplorer dans plusieurs gares du pays. La situation serait particulièrement critique du côté de la gare de Schaerbeek, selon la CGSP Cheminots de Bruxelles. Une situation qui perdure depuis le 25 juillet dernier. Une aide ne peut plus être garantie aux voyageurs par les agents de la SNCB. Ce samedi 6 août risque d'être la journée la plus chargée des vacances sur les routes européennes. Il sera préférable d'attendre le samedi après-midi ou le dimanche pour partir en vacances en voiture. Le trajet des retours risque lui aussi d'être fort perturbé ce samedi. À l'étranger, l'aéroport de Bergame en Italie est fermé suite à un incident. Un avion cargo est sorti de la piste lors de son atterrissage. L'avion a fini sa course sur une route présente à proximité de celle-ci. Aucune voiture n'était présente sur la chaussée au moment des faits. L'aéroport et la route sont actuellement fermés à la circulation, le temps que les services de secours fassent leur travail. Trois personnes ont été expulsées d'Italie hier. Deux Tunisiens et un Marocain sont suspectés de lien avec l'organisation terroriste État islamique. L'enquête a démontré que les Tunisiens avaient eu des rapports téléphoniques avec des individus soutenant clairement l'idéologie islamiste et affiliés au front Al-Nosar. Les enquêteurs estiment que les quatre suspects pourraient être impliqués dans des activités de propagande terroriste. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec cette inondation pour le moins inhabituelle qui a eu lieu en France. Des vannes se trouvant dans une entreprise ont été ouvertes intentionnellement. Dans ces cuves se trouvait une grande quantité de vin. Les habitants ont pu voir déferler entre 20 000 et 50 000 litres de vin dans les rues de Sète. Le sinistre a entraîné l'interruption de la circulation et nécessité l'intervention des pompiers et de la police. Une enquête a été ouverte. Le sabotage aurait été revendiqué par le comité régional d'action viticole. Fun. Audrey débarque dans un instant sur Fun Radio. Elle a pour vous un petit Dua Lipa ainsi que Mo et Final Song. C'est un de mes coups de cœur du moment et on va se l'écouter dans un instant. Juste avant, côté météo, est-ce que les shorts et les barbecues seront sortis ce week-end, Florence? Ce week-end, oui, mais pas encore aujourd'hui. Quelques nuages bas sur le nord et l'Ardenne avant le retour des éclaircies. Les températures restent stationnaires. Elles seront comprises entre 17 et 22 degrés. Le Sundance Floor continue avec Milo sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. En mode summer. Vous écoutez Fun Radio. Le son Dance Floor. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Mm-hmm. meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Howling at the moon. Howling at the moon. Where is the summertime? Take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? Have dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. C'est parti, on démarre la journée ensemble sur Fun Radio 9h06. Mo, Final Song, c'est un des coups de cœur et je vous le balance dans un instant. Juste avant, on va appeler le deuxième gagnant des places pour Walibi. Il s'appelle Philippe, il a 54 ans, il habite Jette. Salut Philippe. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Alors j'ai une très bonne nouvelle Philippe pour toi, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je t'envoie à Walibi avec 4 places, bravo. Waouh, c'est génial, merci, super, bonne radio. Et Coralie justement, c'est un des parcs incontournables de Belgique. Et c'est même le parc le plus incontournable de Belgique. Et on va encore vous offrir des entrées ce soir dans C'est que du fun. Et entre peut-être 17h et 20h. Et ouais, attention. Donc inscrivez-vous déjà maintenant en envoyant Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Vous pourrez soit repartir avec vos 4 entrées, soit avec vos 2 Golden Pass. Le Golden Pass, c'est un abonnement d'un an qui vous permet de rentrer quand vous le souhaitez dans le parc. Et donc ça peut être franchement sympa. Et si vous avez envie d'avoir plus d'infos, ça se passe maintenant sur funradio.be. Comme chaque vendredi, on met une boulangerie de la région à l'honneur puisqu'elle nous offre le petit déjeuner, ainsi que pour nos auditeurs qui sont présents avec nous en studio. On a Yolanda qui est avec nous. Salut Yolanda. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci, et vous? Mais très très bien. Tu es la responsable de l'Artisan Inforêt, la boulangerie chez qui on va arriver dans quelques instants. Est-ce que tu as des spécialités ou quelques petits trucs exceptionnels qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure? Ben écoutez, oui, effectivement, en fait, il faut savoir que toute la boulangerie, enfin, principalement la viennoiserie est faite ici sur place. Nos cooks sont excellentes, vraiment, il faut vraiment venir et les goûter. On travaille encore avec un boulanger pâtissier qui travaille à l'ancienne. Donc ça c'est un plus, parce que c'est pas vraiment le cas partout, je dirais maintenant. Et voilà. Eh bien ça a l'air, après, en tout cas franchement sympa. En plus de choses. Vous avez une petite salle aussi où on peut déjeuner sur le côté. Tout à fait, c'est un tea room en fait, hein. C'est un tea room, il y a pas mal de place et on peut venir déguster tout ce qui est petit déjeuner. On a des formules de petit déjeuner, après l'après-midi prendre un petit café avec un morceau de gâteau. Et voilà, je veux dire, c'est un espace assez agréable. Et vous ne faites pas que boulangerie en plus? Non, on ne fait pas que boulangerie, c'est ça un petit peu, on fait beaucoup de choses, on a pas mal de sandwichs, on fait des plats du jour tous les jours, et on a des spécialités dans les sandwichs, donc voilà, et tout se fait place, Vous pouvez également tout prendre à emporter. Donc, eh bien, merci beaucoup, voilà. Yolanda. On va venir tester tout ça dans quelques instants. Ça s'appelle l'artisan à forêt et ça se situe à la chaussée d'Alzenberg, c'est ça? C'est bien, c'est la chaussée d'Alzenberg, numéro 351. Et on vous publie tout ça dans quelques instants sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Yolanda. Encore Ali pour nous, merci, c'est terminé. On revient lundi prochain, dès 6h, évidemment, avec le meilleur de son dance floor, des cadeaux, des surprises, des invités. Tout ça et bien plus, et c'est ce qui arrive lundi. Mais avant ça, c'est Audrey qui débarque sur Fun Radio avec, pour vous, côté son dance floor, un petit Dua Lipa. On aura aussi le DJ belge Alex Jarmis et Nur. Et puis juste avant, c'est la Don Wasmo. Le temps de vous dire que ce soir, c'est que du fun qui arrive entre 17h et 20h. Et puis évidemment, Party Fun, le rendez-vous des plus grands DJ de la planète. Je te souhaite passer une excellente journée sur Fun Radio. Faites plein de bêtises, mais faites-les bien. Et puis Coralie, à lundi. À lundi. Excellente journée à vous. Voici la Don Wasmo avec Final Song. 9h10 sur Fun Radio. Excellente journée à vous. Please, won't you wait? Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Fun Radio, le son. Easy now, no need figure down. Rock that, run that, this away from. Easy now, no need figure down. Easy now, no need figure down. Rock that, run that, this away from. Whoop.